tous et bienvenue dans un nouveau numéro du MAG sur Radioactive, le MAG qui est votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Alors avis à tous les amateurs de musique, cette émission vous est dédiée. Pourquoi ? Eh bien pour la bonne raison qu'un événement se prépare le dimanche 24 mars à Chargée et Thierry Calu, président de l'association Rock in Chargée, va nous dire de quoi il s'agit. Bonjour Thierry. Salut Marlène, salut l'équipe de Radioactive. Alors Thierry, vous êtes sur le pied de guerre en ce moment pour préparer un événement le 24 mars à Chargée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ça sera notre 8e édition de Brocante musicale. Donc uniquement musicale, bien sûr, ce n'est pas un vide-grenier. Hein. Donc ça va représenter tout ce qui peut être vente de vinyle, de tout ce qui est support audio, matériel également, plus instruments de musique. D'accord. Super. Alors donc du coup, ça va se dérouler de 9h à 17h. Et ça sera où ? Et donc à la salle des fêtes de Chargée, donc il y a l'avantage dans le bourg de Chargée d'avoir deux petits parkings, un grand parking et puis après devant, mais en général on arrive à accepter pas mal de voitures, donc les piétons sont les bienvenus également. Et tout ce qui est aussi trottinette et tout engin motorisé électrique ou thermique ou à pied également. Alors tout ça aura lieu le dimanche 24 mars, donc vous l'avez dit, la possibilité de chiner parmi des vinyles, des CD, des instruments de musique et bien plus encore. On est bien sûr de l'occasion ou est-ce qu'il y a également du matériel pro ? Pro non, mais il peut y avoir éventuellement quelques-uns qui peuvent accessoirement avoir du matériel tout neuf. Mais bon, en général, c'est plus de l'occasion, du matériel, par contre, souvent en très bon état. Oui. Il y a possibilité de l'essayer sur place, il y a des prises de courant qu'on distribue un peu partout. Donc si des guitaristes veulent essayer un ampli, une guitare, une platine ou quoi que ce soit, un ampli, bref, tout ça, ça peut être branché, testé sur place. Et quelquefois, il y a déjà eu des buffs de fait, par exemple, des fois des musiciens qui viennent, qui prennent un instrument, et puis des fois, deux, trois personnes se retrouvent pour sur un petit buff de musical. Ah, génial. Alors, c'est le côté charmant. Eh oui, effectivement. Si les auditeurs qui nous écoutent souhaitent participer en tant qu'exposant, il est encore temps puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 mars. Oui, jusqu'au 17 mars. On s'est dit qu'une semaine avant, ça serait bien parce qu'il nous reste encore quelques mètres linéaires à louer. Là. D'accord. Je pense qu'on atteint les 52 mètres actuellement. Donc, dans la salle des fêtes, ça accueille ça sans problème. Donc, il y a encore quelques mètres de disponibles. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi, on va dire, des fois venir avec ses affaires, prendre un ou deux mètres, des fois, histoire de se placer, de se mettre au milieu de tout ce petit monde-là. Donc, il y a l'exposition qui se fait à l'intérieur et souvent, on a un exposant qui est un peu original, qui est sous un barnum juste à l'entrée. Donc ça, c'est le côté marrant aussi. Ça. Il vend tout plein de vinyle et il veut toujours être dehors. Mmh. Quoi qu'il fasse comme temps, il est toujours, toujours présent. Ok. C'est notre habitué. Alors, s'il y a des auditeurs qui souhaitent participer, il y a un fichier d'inscription qui est téléchargeable, tout simplement, en allant sur la page Facebook de Rock in Chargée. Oui. Voilà, donc tout après, simplement. Parce que si c'est pour le dicter, c'est un peu long. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, il suffit d'aller sur la page. Sur le site directement, oui. Mmh. Et puis j'ai vu aussi que les personnes qui n'auraient pas assez de produits à exposer ont la possibilité de déposer leurs objets sur le stand de Rock in Chargée qui en assurera la vente. Voilà, c'est mon vice-président Philippe, Philippe Sachaud, qui généralement s'en occupe, donc il récupère plein de petites choses, des fois de dons, de personnes qui veulent un pourcentage sur la vente, donc il s'en occupe directement. Donc il y a directement un stand de Rock in Chargée qui est là aussi pour répondre des fois à vos besoins. Ça veut dire qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être intéressantes, des petites perles d'ailleurs, en vinyle. Mmh. Et après, des fois, différents instruments, tout dépend des arrivages, quoi. Mais c'est vrai que Philippe est un excellent vendeur. Il va vous conseiller, et en même temps, il sera toujours jovial pour vous dispenser de la bonne humeur et de la joie. Il y aura une buvette sur place. Oui, buvette avec, je crois bien, vin chaud, café, thé, et puis il y aura des crêpes de façon à pouvoir se restaurer, on va dire, un minimum, et puis surtout boire des petites choses locales. Donc il y aura du vin Plou, donc société Plou, mais là, ça sera du vin Plou traficoté, c'est-à-dire il y aura dedans des substances pour faire du vin chaud. D'accord. Mais des substances alimentaires, bien sûr. Oui, j'entends bien, évidemment. Donc ça veut dire qu'en plus, si on ne veut pas forcément acheter du matériel, on peut venir se balader, manger une crêpe, et puis observer les instruments. C'est déjà pour beaucoup de personnes, des fois, ils viennent même pas pour chiner, ils viennent se promener. C'est mieux que faire du lèche-vitrine avec des magasins fermés. C'est sûr. Nous sommes ouverts et ça va sentir le vin chaud et la bonne humeur. En plus, ouais, donc, avec des musiciens, des fois, vraiment très convaincants. Eh ben, on compte sur les auditeurs pour faire de cette journée un succès musical. Et à l'abri de la pluie s'il tombe de l'eau. Voilà, en plus. Que vous mettre à l'abri, des fois, on ne sait jamais. On imagine que vous bossez aussi en ce moment sur la préparation du prochain festival Rockin' Chargé. Parlons-en, parce que Rockin' Chargé, c'est une idée un peu originale, c'était de faire un concert gratuit, et donc nous préparons notre 17e édition, donc ce qui n'est pas rien. Et donc ça sera pas la salle des fêtes, ça sera donc sur l'espace du Verdeau, ça s'appelle, donc sur le camping de Chargé, du côté est, donc à côté des terrains de foot. Donc entrée gratuite, 5 groupes de programmés avec 4 groupes sur scène, un groupe interplateau. Et tout ce qu'il faut au niveau restauration, donc bière, boissons sucrées, douces et de l'eau. Et de tout ce qu'il faut pour manger, donc en général, il y a les frites, plus tout ce qui est accompagnement avec aussi bien andouillette, le croix bien, que merguez et plein d'autres choses. Et bref, ça va se faire gratuitement. Le parking est gratuit, le sanitaire douche est gratuit et bien sûr tout le camping est gratuit. Ça veut dire que les gens qui ont, comme d'habitude des fois, fait un petit peu d'excès, pour éviter que la marée-chaussée ne sévisse, on les accueille volontairement dans le camping qui est gratuit. Voilà, pour rester sur place. Voilà. On le recommande ce festival parce que c'est un festival ami depuis de nombreuses années. On aime beaucoup Rockin' Chargé, on aime beaucoup son ambiance, on aime beaucoup sa programmation et on aime beaucoup ses bénévoles. Et je me rappelle toujours ma première fois quand je suis débarqué à Radioactive, c'était il y a 18 ans, en disant bonjour, j'aimerais faire de la promotion. Et ça, c'était le côté vraiment très original avec Radioactive, notre partenariat. Et puis depuis ce temps-là, les années passent et puis toujours Radioactive derrière nous. Avec son micro pour un petit peu faire des interviews. Et puis, en même temps, les groupes adorent ça parce que des fois, il y a des unplugs vraiment sympathiques. Ouais, bon, on sera là. On sera là. Bon, nous comptons sur vous également, oui. Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup Thierry Calu. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Rockin' Chargé et que vous préparez la 8e édition de la Broque musicale qui aura lieu le dimanche 24 mars de 9h à 17h à la salle des fêtes de Chargé, donc juste à côté d'Amboise. N'hésitez pas, venez faire un tour, chiner parmi les vinyles, les CD, les instruments et le tout dans une bonne ambiance. Voilà, de 27 ans et de plus de 77 ans compris. Ok. Voilà, donc c'est tout âge confondu, tout le monde peut venir. Donc je ne sais pas s'il y aura des BD, mais souvent, je fais allusion à Tintin bien sûr, mais normalement il y a de quoi vous faire plaisir et souvent à des prix vraiment très intéressants parce que c'est vrai que quand on voit le prix de tout ce qui peut être matériel musical, oui. Même surtout des fois les vinyles maintenant qui reviennent à la mode, c'est souvent l'occasion de faire un peu le plein de vinyles qu'on avait un peu perdu de vue. Et ça fait toujours du bien pour les oreilles, pour pas cher. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Thierry. Eh bien, nous comptons sur tout le monde. Et puis, merci Radioactive. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce mag. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle édition de ce mag.